prédate et qui est le prédateur. Hors concours dès les départs, beaucoup trop lourd, c'est trop la merde. Au secours, c'est trop hard, les victimes demandent de l'aide. En avance ou en retard, laisse faire les grands, t'es de la peine. Sans secoue, même si t'es cardiaque, tôt ou tard, faudra que tu crèves. Hors concours dès le départ, beaucoup trop lourd, c'est trop la merde. Au secours, c'est trop hard, les victimes demandent de l'aide. En avance ou en retard, laisse faire les grands, t'es de la peine. Sans secoue, même si t'es cardiaque, tôt ou tard, faudra que tu crèves. Les MC aimeraient peser lourd comme Jay-Z, remplir les grosses fesses de Beyoncé. PMP, façon 50, c'est pas le cas, ça on le sait. Certains se diversifient, coupent leur sauce à la salsa ou au jazz. J'écoute et me dis putain, vraiment leur son est naze. Tu remarqueras que ça suce des beats comme des Mr. Freeze. Beaucoup de blabla et de bling bling pour pas grand chose comme Mr. T. Les autopros de bord de la faillite, quoi qu'on en dise, c'est la crise. C'est la guerre, y'a trop de rappeurs, internet a bousillé le biz. C'est la merde, ouais, tu peux le mettre dans ton rapport un peu trop hoche. Ici, on te pèse au bord de mer, pose les euros vite fait. Comme dans un vieux motel, t'attends pas à ce qu'on te parle d'amour dans un vieux bordel. La prod c'est déjà mort, normal que ce soit mortel. Comme s'appeler Harlem et être clair comme de la porcelaine. Comme être sapé comme un riquet et faire de la chanson française. Comme revenir dans le game après être passé à la Starac. Comme s'appeler Skyrock et s'autoproclamer promis sur le rap. Je vous amène de quoi sucer, c'est moi le marchand de glace. Toujours au B, toujours en force, toujours en place. Hors concours dès le départ, beaucoup trop lourd, c'est trop la merde. Au secours, c'est trop hard, les victimes demandent de l'aide. En avance ou en retard, laisse faire les grands, t'es de la peine. On secoue même si t'es cardiaque. Tôt ou tard, faudra que tu crèves. Hors concours, dès le départ, beaucoup trop lourd, c'est trop la merde. Au secours, c'est trop hard, les victimes demandent de l'aide. En avance ou en retard, laisse faire les grands, t'es de la peine. On secoue même si t'es cardiaque, tôt ou tard, faudra que tu crèves. J'ai des fuites dans mes idées, mes rimes fluides, ouais, MIC, le monde s'effrite, des ondes gothiques. Le rap me dope comme le LSD. Plus rien ne va plus, les morts tombent comme des gouttes de pluie. Ici, les troupeaux de moutons suivent la règle de Jacques Adi. Ma vie, une bataille, mes ennuis, je les mets en stand. Bye, j'écris ma life, ça me nourrit bien comme un. Place, dalle, déjà mort, tu peux pas test. On a la peste, serait-il pas le crew que tu détestes? La jalousie t'est détruit sans souci. Tes bâtons dans mes roues n'ont pas suffi. La folle envie de réussir m'a servi pour te mettre en survie. La roue derrière toi qui tourne t'a suivi. Ouais, pour toi c'est fini.